La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors que l'on s'enfonce tout doucement dans une nouvelle décennie, nous jetons à la compagnie un regard rétrospectif sur des années désormais vieilles de 100 ans, les célèbres années folles. Cette décennie fut celle du déplacement de la bohème parisienne depuis Montmartre jusqu'à Montparnasse, celle de l'avènement du music hall et de Joséphine Baker, celle des grandes avancées dans les arts, notamment grâce au surréalisme et dans les mœurs avec par exemple l'émergence de la garçonne. Alors pour nous remettre dans cette atmosphère, nous avons pioché quatre noms qui nous ont semblé refléter l'esprit de ce moment-là. Jacques Rigaud et Man Ray, c'était la semaine dernière, et puis Chanel et Fujita cette semaine. Demain, Anne Le Diberder nous proposera donc de parcourir l'œuvre du peintre japonais avant d'aborder mercredi la mode par une émission sur Mademoiselle Chanel dont Isabelle Fimeyer nous racontera la vie et l'œuvre. Et par une autre, ce sera jeudi sur Chanel dans le contexte des années 20 grâce à Olivier Saillard. Et aujourd'hui ? Fujita, nous vous connaissons maintenant sous le nom de Leonard Fujita. Mais votre prénom d'origine, votre prénom japonais, est Tsuguharu. Que signifie Tsuguharu ? Tsuguharu, c'est-à-dire héritier de la paix. Et Fujita, est-ce que le Fujita, nom de Fujita a un sens ? Shandogrishin. Mais mon ancêtre, c'est de l'époque du 12e siècle, Fujiwara. Hara, c'est le champ sauvage. Fujita, ta, c'est champ cultivé. C'est un peu de différence. Aujourd'hui, pour raconter la vie de Tsuguharu Fujita, nous sommes avec vous, Sylvie Buisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste donc du peintre, ce peintre au sujet duquel vous avez beaucoup écrit, dernièrement encore dans le catalogue de l'exposition Fujita, peindre dans les années folles, qui a eu lieu au musée Mayol de mars à juillet 2018. C'est un catalogue que vous avez donc dirigé avec Anne Le Diberder et dans lequel vous dites, c'est dans la préface exactement, que Fujita était un être curieux, et d'autant curieux que la vie, sous toutes ses formes, lui plaisait. C'est d'abord ça peut-être qu'il faut dire. Fujita était quelqu'un de très vivant et peut-être même d'assez heureux. Je pense que Fujita effectivement débordait d'énergie et je vous remercie d'avoir, on va dire, isolé cet adjectif de curieux, effectivement, parce qu'on peut l'entendre dans différents sens. Il est curieux de nature, depuis qu'il est tout petit, effectivement, depuis son enfance, il va jouer différemment, il va au Japon, disons, sortir un peu du moule et chercher un peu ailleurs les choses. Mm-hmm. C'est pas un être qui va ranger ses idées comme on souhaiterait, comme son père le souhaitait, comme son frère le fera, comme ses sœurs le seront. C'est-à-dire que Fujita va chercher quelque chose ailleurs et c'est bien pour ça qu'on va le retrouver ici à Paris, ensuite dans les années folles. Est-ce que c'est une vie heureuse, une œuvre heureuse pour une vie heureuse ? Je ne sais pas ce que c'est qu'être heureux en fait. Surtout pour avoir côtoyé pas mal d'artistes, je pense que c'était un être profondément insatisfait et qui, du début jusqu'à la fin de sa vie, va rechercher quelque chose, il va rester un éternel étudiant. Alors si c'est ça le bonheur, que de chercher, que de trouver, que de ne jamais vraiment trouver, c'est-à-dire mener sa quête en permanence sous toutes les latitudes du monde, parce que c'est un peu ça, Fujita, je pense qu'il a été très heureux. En tout cas, c'est une œuvre et une vie très singulière dont il faut dire dès maintenant qu'elle est à cheval entre deux pays, mais peut-être presque deux mondes, deux univers mentaux, le Japon d'un côté et la France de l'autre. Oui, je pense que je l'ai dit et je l'ai écrit assez souvent. J'ai beaucoup cité Claude Lévi-Strauss à ce sujet-là, à savoir que l'univers japonais, l'univers asiatique d'une manière générale et l'univers occidental sont deux mondes totalement opposés. Il faut imaginer que notre berceau judéo-chrétien est né au centre de l'Asie et de la Mésopotamie et que cette culture s'est essaimée à l'est et à l'ouest pour ne jamais se véritablement retrouver avec des distorsions énormes. Et Fujita, en fait, a réussi, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, a réussi à mélanger, à maîtriser ces deux cultures totalement opposées, puisque le Japon est considéré comme le pays de l'envers, justement par le grand ethnologue Lévi-Strauss, par rapport à la France, a réussi à maîtriser tout ça et à les composer et à réussir à en faire un véritable art, qui est l'art de Fujita. Et c'est en ça qu'il est curieux et singulier totalement, oui. On a le sentiment qu'il s'est implanté en France presque mieux qu'il ne s'était implanté au Japon, si l'on peut dire. Il est né évidemment dans ce pays, mais il y a quand même un rapport avec la France qui semble particulièrement fort. Alors son père un jour à Tokyo l'emmène, il est très très petit encore, il n'a pas 10 ans, voir une exposition de peinture. Il y avait quelques rares salons qui présentaient quelques peintures à l'huile, ce qui n'est pas du tout la tradition japonaise. Et il tombe en arrêt devant un tableau de Monet, il l'a écrit. Et c'est ce tableau de Monet qui lui fera dire qu'il faut qu'il aille là où ça se passe. Là où les peintres sont capables de peindre avec liberté et non pas dans les codes traditionnels. Et c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'un de ses dessins, enfin une de ses peintures, je ne l'ai jamais réellement vue cette peinture, j'espère un jour la voir, a été choisi pour l'exposition universelle de 1900 à Paris pour être présentée au salon, au pavillon japonais. La peinture d'un défilé, je crois. Oui, ce sont ses peintures d'enfants, les défilés militaires que son père lui racontait. Il les imaginait, il les dessinait à l'encre de Chine. Non, là, c'est plus une peinture dans le style occidental qui a été présentée à Paris. Et c'est un signe pour lui aussi de s'intéresser à la France. Il va se faire inscrire au cours de japonais quand il est enfant, donc à l'école de l'Étoile du Matin, qui est une école confessionnelle vouée à Marie. Donc tout ça sont des petites choses, des petites graines qui sont semées au fur et à mesure dans sa vie, qui vont germer ensuite quand il va être un peu plus âgé, qu'il va rentrer aux Beaux-Arts et qu'il va se rendre compte finalement qu'il n'est jamais véritablement en adéquation. Alors justement, vous parlez de graines qui évoquent les racines. Est-ce que lui, il est enraciné dans plusieurs endroits ou est-ce que c'est un déraciné ? C'est une question effectivement qui est à la base même de la définition de Fujita. C'est-à-dire qu'il pense s'enraciner très souvent. Je pense qu'il le pense réellement. C'est-à-dire que chaque rencontre, puisque on va décrire sa vie un peu plus tout à l'heure, et je pense que ces femmes sont extrêmement importantes. Il en aura eu 5 dans sa vie. À chaque rencontre, je pense qu'il a l'impression de s'enraciner. En fait, il cherche l'enracinement. Oui, mais il y a des coïncidences historiques qui vont faire que les guerres, les conflits la plupart du temps, et puis oui c'est ça, ça a l'air qu'il, ça va souvent être malgré lui, mais il va devoir couper et recommencer, et ça il va recommencer à zéro très souvent dans sa vie. Il y a quelques mauvaises langues aussi qui disent qu'au fond s'il a comme ça recommencé à zéro, s'il s'est déraciné, c'est parce qu'il était toujours en train de chercher la lumière. Il allait là où la lumière était la plus forte, alors c'était souvent vers la ville lumière justement, mais ça a pu être ensuite vers le soleil levant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que Fujita se déplaçait aussi pour trouver la meilleure exposition pour lui-même ? C'est sûr. D'ailleurs, quel artiste, enfin citez-moi un artiste qui n'a jamais voulu être reconnu et être éclairé par le bon soleil. Je crois que le matin, l'artiste se lève et cherche la lumière, c'est évident. Même s'il peint noir sur noir, je crois que c'est ça. En fait, la reconnaissance et la lumière vont guider Fujita tout au long de sa vie, mais pas que. Mais pas que. Je crois qu'il a de gros coups de cœur et il va se faire naturaliser français à la fin de sa vie. Il va vivre véritablement comme un Français, mais il va rester profondément japonais. Et c'est ce paradoxe qu'il réussira, je pense, vraiment à dépasser, quoi. C'est ça. Gorilla. Alors on va tenter de raconter un peu davantage la vie de Fujita avec vous, Sylvie Buisson. Mais il faut dire que c'est plutôt un défi parce que lui-même définissait son caractère comme étant sinueux, pentu, tortueux, autant que les ruelles du quartier de Tokyo qui l'avait vu naître le 27 novembre 1886 dans une famille qui compte déjà 3 enfants, il y a un garçon et 2 filles, et dont le père était médecin de l'armée de terre avant de devenir inspecteur général en 1912. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette famille, qui est une famille donc très aisée ? Oui, absolument. C'est-à-dire que Fujita ne tombe pas par hasard en amour, on va dire, avec la peinture, sans avoir reçu pendant son enfance une éducation extrêmement raffinée. Il est très cultivé. Son père, en plus de ce que vous avez décrit, est quelqu'un de très ouvert aux idées occidentales. À cette époque-là, au Japon, l'occidentalisation est extrêmement forte. On impose même à tout le monde de s'ouvrir aux idées nouvelles. Et le père de Fujita est un des premiers médecins à mettre en application les différentes avancées scientifiques allemandes, françaises, américaines, etc. Donc, il vit dans un milieu extrêmement ouvert. On peut dire même que son père est plutôt socialiste, en fait. Hein. Vous voyez, dans un pays qui était plutôt à droite, extrême droite, et qui est codé terriblement, il côtoie des cercles littéraires extrêmement à l'avant-garde. Donc Fujita, en fait, va entendre toute son enfance, va être très, très, très curieux déjà à cette époque-là, va entendre beaucoup de choses qui vont le transporter vers l'Occident. Donc socialiste dans une famille d'extraction très noble, une famille de samouraïs, aristocratique. Absolument. Et son père avait justement, à l'époque où il a dû choisir la médecine, n'avait pas le choix dans le sens où tous les samouraïs étaient désarmés et notamment n'avaient plus aucun statut. Quand le Japon est rentré dans l'ère de l'occidentalisation. Donc il a choisi la médecine justement pour avoir un autre statut. Et il est devenu médecin comme ça, comme beaucoup d'ailleurs de ses amis qui ont choisi des carrières, on va dire, hors de l'armée. Alors, il faut s'arrêter aussi sur la figure de la mère qui va mourir quand le petit Fujita sera encore assez jeune. Vous la décrivez comme étant froide et pourtant ayant une relation avec son fils totalement fusionnelle. Alors oui, j'ai beaucoup écrit là-dessus effectivement parce que je considère que Fujita a été extrêmement marqué, notamment en tant que peintre, par la mort de cette mère prématurée, qui était tout sauf froide. Elle est froide quand elle est morte. Et c'est le souvenir de cette mère froide, puisqu'il lui prend la main quand elle est allongée sur le sol avec son kimono blanc le jour d'automne ou même d'été, enfin fin d'été 1891, ce contact avec cette mère froide a été un véritable déclencheur. C'est-à-dire que Fujita a vu le monde, enfin le petit Tsugaru, héritier de la paix, a vu le monde s'effondrer autour de lui, et cette mère, il va la chercher toute sa vie en réalité après. Hein. On va voir qu'il va peut-être la trouver dans certains visages qui ressemblent justement au visage de sa mère. Elle était très belle, elle était très douce, elle était très chaleureuse, ils étaient fusionnels, c'était le dernier enfant. C'est celui qui finalement a été apparemment le moins marqué, puisque le plus jeune et en réalité sans doute le plus, dans le sens où il a dû le décrire, le peindre. Donc son père se remarie avec une certaine Shikeko et elle vient habiter chez eux, mais ça ne se passe pas forcément très facilement. Quelle est la couleur de cette enfance sans mère ? Voilà, c'est ça, c'est l'enfance sans mère, exactement. Je crois que vous l'avez bien dit. Le frère aîné, donc, et Tsuguo est véritablement lui un enfant docile. Ses deux sœurs sont des sœurs aimantes qui vont d'ailleurs beaucoup l'aider pendant son enfance, vont pratiquement suppléer à sa mère. Mais Fujita, lui, est un enfant, Tsuguharu plutôt, est un enfant qui est en quête permanente de nouveautés. C'est un enfant qui est excentrique, même déjà quand il est jeune, et qui est surnommé Petite Carpe. La carpe au Japon, koi, c'est véritablement le poisson le plus sacré et le plus turbulent, on va dire, de la création. Donc, il est très en marge, en fait, de tout ce qu'on lui propose. Donc voilà l'enfance de Fujita jusqu'à ce que il prenne conscience qu'il existe un ailleurs vers lequel il va se tourner petit à petit. Et oui, là où il a de la chance, c'est qu'il a un père qui est compréhensif. Il lui écrit dans une lettre « J'ai envie d'être peintre, laisse-moi faire ce que je veux, je réussirai, c'est promis ». Et le père, lui, va accepter, il va même lui acheter un peu de matériel pour pouvoir justement se mettre à dessiner. Est-ce que vous pensez que la relation au père, pas qu'un proverbe japonais qui dit qu'il faut se méfier d'abord du tremblement de terre, ensuite du tonnerre, après des incendies et enfin le père. Du père. Est-ce que vous pensez que le rapport au père, ça a été déterminant? Oui, parce qu'il n'a pas un père classique japonais. Même physiquement, le père de Fujita est un homme imposant, qui a les cheveux légèrement ondulés, qui a un visage extrêmement imposant, enfin très aristocratique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un petit roi soleil chez lui. Et Fujita n'a jamais eu véritablement peur, sauf le jour où il doit lui annoncer qu'il va être artiste, parce que son père s'attendait à ce qu'il soit médecin, soit avocat, soit militaire, et c'était pas du tout l'envie de Fujita. Mais le rapport au père est très important, il va le protéger jusqu'à la fin de sa vie. Il va lui envoyer de l'argent quand il en aura besoin. Oui, il va lui donner une rente, donc il va avoir une rente pour aller en France, il va encourager son départ, mais à partir du moment où Fujita aura un bon carnet d'adresses, c'est-à-dire qu'il va l'obliger à rester 3 ans en plus, après la fin de ses études, avant de partir. Ça va être très long pour Fujita. Il va pratiquement en faire une dépression. Mais il va accepter. Donc les études, c'est d'abord les Beaux-Arts à Tokyo, à partir de 1905. Et c'est dans les classes où on enseigne donc la peinture occidentale. Absolument. Il va faire un an, pas tout à fait un an d'ailleurs, dans la section, on va dire, traditionnelle japonaise, c'est-à-dire le Nihonga, la peinture à l'eau traditionnelle. Et puis il va se rendre compte que c'est plus du tout pour lui. Et il va demander à être dans la peinture occidentale, le cours de peinture yoga occidentale. Donc yoga en deux mots, avec yoga, un tiret entre les deux. Absolument. Yoga, c'est-à-dire la peinture moderne, tout simplement, voilà, à l'huile. Ça va être intéressant pour lui, parce que son professeur, Seiki Kuroda, a vécu à Paris, est venu à étudier longtemps aux Beaux-Arts. Et il va lui apporter énormément de choses. Mais il est resté coincé, si on peut dire, à Barbizon, au paysage post-impressionniste. On n'est pas encore du tout dans la modernité. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que Fujita va apprendre aux Beaux-Arts de Tokyo et avec ce qu'il va découvrir ensuite quand il arrive à Paris en 1913. Il va s'en rendre compte un petit peu. Il y a une revue qui s'appelle Shirakaba, qui est diffusée donc à Tokyo, la seule revue d'art. J'en ai quelques-unes, c'est intéressant. Il y a très peu de reproductions, il y a une sculpture de Rodin, il peut y avoir un petit tableau de Van Dongen. Et Fujita donc va piocher un petit peu dans cette revue, et il va fantasmer à fond là-dessus quoi pour s'échapper de ces cours des Beaux-Arts qui sont pas inintéressants quand même, parce que l'école de Seiki Kuroda, qui s'appelle l'école Violette, c'est l'école de l'apprentissage de la naïveté, c'est-à-dire qu'il souhaite que les élèves, que ses élèves oublient un maximum en fait ce qu'ils apprennent ensuite, après l'avoir appris, ce qui est difficile quelquefois d'oublier quand on en sait trop, pour arriver à être vierge devant une toile. Donc ça, cette notion-là, Fujita va la garder en lui ensuite quand il va revenir à Paris. C'est tout ça qu'il aimera aussi chez le douanier Rousseau. Notamment, absolument. C'est un beau lien entre la France et le Japon, le douanier Rousseau. Alors il faut dire aussi que ces années de jeunesse sont les années d'un premier amour avec Tokita Tomiko, mais qu'on appelle Tomi, sur la plage de Boshu, alors qu'il est encore étudiant et qu'elle travaille dans un lycée comme surveillante d'internat. C'est le coup de foudre entre les deux? Oui, absolument, c'est le coup de foudre entre les deux, d'autant plus qu'en plus de ses cours aux jeunes enfants, elle coud. Elle fait un peu de stylisme en plus, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Fujita, qui lui-même se fabrique ses kimonos et n'est pas du tout déjà habillé comme tout le monde. Il y a quelque chose d'inventif et d'artistique chez cette femme. Et là, il a eu peur de son père, parce qu'il a eu peur que son père lui empêche de se marier ou de se fiancer avec cette jeune femme qui n'était pas tout à fait de leur milieu. Et il a eu très peur. Il a même écrit qu'il se serait suicidé si son père avait refusé qu'il se fiance avec elle. Toujours est-il que l'histoire sera un petit peu différente, puisque c'est le moment où Fujita part pour Paris. Que fais-tu, Tomiko ? Je pense à toi tous les jours. Viens vite à Paris. Beaucoup de fleurs. Pas de tremblements de terre, pas de moustiques, peu d'insectes. C'est un beau pays, je t'assure. Si seulement tu étais auprès de moi, nous serions 100 fois plus forts. N'oublie pas pourquoi je fais tant d'efforts à l'étranger et pourquoi tu souffres. Ne renonce pas, ne cède pas, patience, tout ira bien. Retrouvons-nous au plus vite et travaillons ensemble. L'art est ce qu'il y a de plus beau, de plus noble au monde, et il est éternel. Cherche à atteindre le haut. On ne vit qu'une fois. Je ne veux pas mourir sans rien faire. Allez, œuvrons ensemble. Quelle joie! Il me suffit de concevoir des ébauches dans ma tête. Ensuite, j'essaie de les faire surgir sur la toile. J'en ferai à grande échelle, en grande quantité. Tout l'avenir est devant moi. C'est entre 30 ans et 40 ou 50 ans qu'un homme peut manifester toute son énergie. Tout ce à quoi je crois, je vais le réaliser sans relâche, avec vigueur. Et qu'importe si je ne connais la gloire et la réputation qu'à partir de l'âge de 60 ans. Je me consacre à mon travail. Tomiko, aie confiance en moi. Je ne suis pas homme à te décevoir, à trahir tes attentes. Crois en moi. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cette lecture par Laurence Millet d'une lettre de mai 1915 envoyée par Fujita à son amoureuse Tomi. Alors qui ne va pas croire en l'autre ? Est-ce que c'est Tomi qui ne croit pas en Fujita ? Est-ce que c'est le contraire ? Toujours est-il que ces deux-là ne se retrouveront jamais. Cette lettre est absolument magnifique parce qu'elle résume en fait une profession de foi. Elle résume absolument tout ce que Fujita va vivre, et pratiquement prémonitoire, auto-prémonitoire, c'est très étonnant. Elle est magnifique. Donc, ils ne vont pas se retrouver, mais c'est ni de la faute de l'un, ni de la faute de l'autre. En fait, la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, entre-temps, a éclaté. Et Fujita n'est resté finalement qu'à peine un an à Paris, tranquillement, en train de se demander ce qu'il allait faire, rencontrant Picasso, rencontrant Modigliani, rencontrant Dorin, Apollinaire, etc. Bref, se faisant les meilleurs amis du monde. Et cette guerre, donc, va d'abord le priver de tous les subsides que son père lui envoyait. Donc, il se retrouve pauvre au milieu de la bohème de Montparnasse. Ça a des côtés négatifs parce qu'effectivement c'est compliqué de vivre pendant la guerre à Paris, mais en même temps ça a des effets très positifs parce qu'il resserre tous ses liens évidemment avec tous ces étrangers puisque finalement ils sont plus étrangers que français, tous ces artistes de Montparnasse. Il va se faire là des amis indéfectibles. Et aussi toute la communauté japonaise. Très peu. Il y a très peu de Japonais à Paris à cette époque-là. Mais effectivement, il est accueilli à Paris en 1913 par les Japonais de Paris qui vont l'installer rue d'Odessa, dans son petit hôtel d'Odessa. Il est supporté par cette communauté japonaise et Kawashima Richiro, donc voilà, qui son est son grand ami peintre. Son grand ami. On a même dit qu'ils avaient eu des aventures homosexuelles, mais pas du tout. Ils sont deux samouraïs qui manient le pinceau comme on manierait le sabre à Paris, en fait. C'est ça leur rapport. Ils sont très efféminés, donc effectivement, on a pu penser. C'est ça, mais je pense pas que ce soit le cas. Il y a un rapport presque volontaire à l'androgynie quand même chez Fujita. Absolument. Fujita me fait toujours penser aux Onagata, vous savez, les actrices du Kabuki, qui sont en réalité des hommes. Les rôles féminins du Kabuki japonais, du théâtre Kabuki. Quand je vais à Tokyo et que je vois une pièce de Kabuki, je pense à Fujita, c'est la même démarche, c'est la même façon de se positionner, de poser. Mais en réalité, c'est totalement naturel chez un homme raffiné au Japon, notamment quand il a vécu un peu à Kyoto, dans les milieux littéraires et artistiques. Toujours est-il qu'avec Kawashima, ils vont aller au Louvre parce qu'ils sont un peu trop vieux pour s'inscrire aux Beaux-Arts. Oui, ils ont dépassé l'âge. Il n'y a que Soutine qui aura pu aller aux Beaux-Arts parce qu'il est arrivé à moins de 17 ans à Paris. Et donc, ils vont au Louvre pour copier avec une carte de copiste. Absolument, oui. Le Louvre est la Mecque de cette époque. Et donc, pendant la guerre, le salon d'automne est fermé, les expositions sont très rares. C'est le temps de l'étude. Et c'est vrai que cette partie de la jeunesse de Fujita à Paris est très importante. Il va même hésiter entre la peinture et la danse. Il aurait pu devenir danseur. Il était très sportif et avait appris la danse au Japon, comme tous les hommes de son rang. Quand il arrive à Paris, dans les salons, évidemment, puisqu'il arrive très vite dans les salons mondains, on le fait danser, il a beaucoup de succès. Et surtout, il a été choqué par ce qu'il a découvert quand il est arrivé. C'est-à-dire quand il a découvert l'atelier de Picasso, quand il a vu les premières œuvres cubistes, les violonciers en deux, enfin, le douanier Rousseau chez Picasso, bref, tout ça, ça... Il faut dire qu'il rencontre assez vite Picasso en arrivant. Je propose d'écouter une lecture de lettres à ce sujet. À cette époque, honte à moi, je ne savais pas qui était Cézanne, ni Renoir, certainement pas Van Gogh et Gauguin non plus. Un jour, je suis allée chez Picasso. Il m'a montré des tableaux de Rousseau. Je n'avais jamais vu ce genre de peinture et j'ai été stupéfait. Picasso faisait alors du cubisme. Il sciait un violon ou une guitare, les collait sur le mur. C'est de cette façon qu'il faisait des recherches. Dans une grande pièce, à côté de son atelier, il collectionnait beaucoup d'objets africains dont il s'inspirait pour ses propres créations. Quand j'ai vu le grand tableau de Rousseau qui représente Guillaume Apollinaire, j'ai été stupéfait par l'expression libre qui régnait à Paris. Beaucoup plus libre que je ne l'avais imaginé au Japon. On avait l'esprit révolutionnaire et on n'hésitait pas à essayer tous les nouveaux styles. J'ai été exaltée, j'étais plein d'espoir, j'avais les yeux grands ouverts et j'ai décidé sur le champ de rejeter tout ce que j'avais appris à l'école des beaux-arts au Japon. En rentrant chez moi, j'ai jeté aussitôt la boîte de couleurs que monsieur le professeur Kuroda nous avait recommandé d'utiliser. Vous écoutez la compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons avec vous, Sylvie Buisson, du peintre Fujita, dont vous êtes spécialiste. On entendait la volonté de peindre librement, d'atteindre à la liberté qu'un Picasso peut avoir dans sa pratique. Est-ce que c'est ça, ce que lui-même appelait le ma, que vous allez nous définir? Est-ce que c'est ça, cette recherche d'un espace de liberté dans la peinture? Ça peut être effectivement une explication du vide que Fujita laisse dans certaines de ses peintures. C'est ça, le fameux ma, ouais. C'est ça. C'est la tension, en fait, entre deux choses, entre deux objets, entre deux lignes qui sont tracées sur une surface, en deux dimensions. Et cette tension, en fait, le non-dit, on va dire, des choses, est extrêmement important en Asie. Alors, si on veut passer de Picasso, enfin du Fujita de Picasso, c'est-à-dire cette violente réaction après la rencontre avec Picasso, à ce qu'il va découvrir ensuite en lui en 1917, entre 15 et 17, il va lui falloir 4 ans après son arrivée à Paris pour retomber sur ses pieds quand même. Mmh. C'est-à-dire que ce valdingage, on va dire, de la boîte de peinture est un véritable acte de renonciation à beaucoup de choses. Et en même temps, il va finir par se rendre compte que à Paris, après avoir rencontré dans tous les ateliers, aussi bien à La Ruche que dans chacun des petits ateliers particuliers du Carrefour Vavin, Raspail, Montparnasse, tous ses amis artistes, il va se rendre compte que finalement il a quelque chose d'autre à dire. Mmh. Il va s'essayer au cubisme, ses œuvres cubistes sont magnifiques, il en a détruit plus d'une centaine, dit-il, parce qu'il voulait pas être le numéro 2 de Paris, et c'était derrière Picasso. Ça, c'est son côté un peu, c'est sa fierté, en fait. C'est d'ailleurs finalement pour ça qu'il décide, est-ce une décision d'ailleurs, on ne sait pas vraiment, mais qu'il va affirmer son style franco-japonais. C'est parce qu'il se dit qu'il y a là un espace pour devenir le premier, oui, dans un style qu'il est, oui, le seul où finalement ils sont très peu, oui, à maîtriser. Il va commencer par renier, on va dire, cette peinture japonaise qu'il avait appris aux beaux-arts qu'il avait étudié aux beaux-arts de Tokyo, qui n'était pas vraiment la peinture japonaise en réalité, puisque c'était le yoga. Oui. Et pour revenir finalement au Nihonga, si on peut dire, mais avec une tangente, on va dire, occidentale. Donc c'est ça qui est très intéressant chez Fujita, c'est-à-dire que il va passer par des hauts et des bas pendant 4-5 ans, terrible. Et on a les traces de tout ça, et toutes les traces, toutes les expériences qu'il va mener sont particulièrement intéressantes, parce qu'on est toujours effectivement à une frontière où il va privilégier donc petit à petit le Japon traditionnel, avec tout ce qu'on a de traditionnel au Japon, c'est-à-dire le ma dont vous avez parlé tout à l'heure, cette distance entre les choses qui est très évocatrice, mais aussi le fameux concept de wabi-sabi, c'est-à-dire de quelque chose de sali ou en tout cas de vétuste. On n'aime pas la nouveauté, on n'aime pas le clinquant au Japon, on n'aime pas ce qui est brillant, ce qui est neuf. On aime l'ombre, c'est bien connu. On aime, voilà, absolument. Roland Barthes en a parlé, il n'est pas le seul, mais je pense que effectivement on aime les choses qui ont vécu, voilà, qui ont du vécu. Et ce fameux wabi-sabi, ce concept en fait de la chose déjà portée, dans le vêtement notamment, on n'aime pas les kimonos neufs, on aime les kimonos anciens, etc. Fujita va le traduire en peinture. Aucune de ses peintures n'aura l'air neuve quand elle sera finie. Elle aura toujours été un peu patinée, elle aura été noircie, elle aura été grisée. Il y a beaucoup d'estompe dans son travail. Et tout ce Japon-là va petit à petit ressurgir chez Fujita. Mais la première expérience, elle est donc en 1917, en juin 1917, à la galerie Chéron, où il va exposer, sans qu'aucun de ses amis ne s'en doute, avec la complicité de sa femme Fernande, la première femme française, puisqu'il va finalement quitter la pauvre Tommy en la laissant finalement seule. Elle va mourir d'ailleurs assez jeune. Elle va mourir assez jeune en 1931. Absolument, c'est un véritable drame. Moi, j'ai rencontré ses héritiers au Japon et c'est vécu comme un drame, cette séparation d'abord avec Fujita et ensuite sa mort prématurée. Donc, quand il va rencontrer Fernande, il va finalement rencontrer une artiste qui va l'aider beaucoup et qui va être sa complice. Et il va découvrir, donc en 1917, dans cette petite galerie, dans un fond de cour chez Chéron, qui est le marchand de Modigliani et de Soutine tout de même, 110 aquarelles absolument stupéfiantes. Picasso va rester 3 heures. Dans cet endroit. Alors, il faut dire un tout petit mot de la Première Guerre mondiale, parce que il a quand même souhaité s'engager, Fujita, pour la Croix-Rouge. Il ne pouvait pas faire davantage, il n'était pas français. Apparemment, la Croix-Rouge n'a pas eu tellement besoin de lui, donc il ne s'est pas tellement finalement illustré dans ce moment-là. Et puis, on arrive donc à la fin de la guerre et à ce début des années 20, qui est le cœur de notre semaine. Et pour Fujita, les années 20, ce sont vraiment les années solaires, Sylvie Buisson. C'est le moment où il explose littéralement. Oui, c'est-à-dire qu'il a en même temps préparé, on va dire, l'après-guerre, sans le vouloir réellement, puisque c'était naturel. C'est un artiste, donc il a évolué. Il est donc rentré chez Chéron comme un des artistes fétiches. Il a vendu toutes ses aquarelles le premier soir en 1917. Donc tout Paris en parlait. Et finalement, il a eu un succès très rapide, bien avant tout le monde, avant la fin de la guerre. Par contre, quand il arrive 1918, c'est-à-dire l'armistice, cette joie retrouvée, cette vie maintenant libre à Paris, il est prêt par rapport à beaucoup d'autres qui ne le sont pas et qui vont rester un peu sur le côté pendant quelques années. Lui va pas perdre de temps du tout. En 1919, donc, réouvre le Salon d'automne, qui est un pré-salon, en fait, qui est un groupement de 3 salons, le Salon national, le Salon des Beaux-Arts et le Salon d'automne, un énorme truc. Fujita propose 6 peintures. Elles sont toutes accrochées dans la salle la plus prestigieuse, à côté de Matisse, à côté de Marquet, à côté de Dorin, etc. C'est le seul étranger dans cette salle, avec des petites pastilles rouges, avec recommandation du jury. Voilà. Comment vous expliquez que la France de cette époque-là, tout de suite, se plaît à admirer Fujita et à le reconnaître? Je pense que Fujita avait d'abord un don de séduction extraordinaire. Donc, le pari est finalement du Montparnasse, qui soit celui des artistes ou celui de la bourgeoisie qui était tout à côté et très attentiste, en fait, qui regardait ce qui se passait, mais qui était là et qui regardait bien, était séduite. Enfin, Fujita avait séduit très rapidement tout le monde. On a retrouvé chez lui, si c'est possible, un second japonisme, un japonisme qui avait donc beaucoup marqué le siècle précédent. Donc, avec quelque chose de rassurant peut-être aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Lautrec, Gauguin, tous ces artistes, avaient Degas aussi, avaient été passionnés par les cadrages de l'estampe japonaise, par le ukiyo-e. Et on retrouve chez Fujita un peu la même chose, mais ce qui est très étrange, et ça vient pas de la part d'un artiste occidental, mais de la part d'un artiste français, c'est un mot lapsus, japonais, qui dévore la France à pleines dents. Et la France le dévore aussi, puisqu'en 1924, l'État lui achète un grand tableau, alors que à ce moment-là, et même, je crois, jusqu'à très très tard, l'État ne va pas acheter du tout de Picasso, par exemple. Oui, Picasso ne sera pas acheté avant 1950, donc c'est dire que Fujita a eu un succès très très rapide. Cette fameuse peinture, l'Amitié, qui est d'ailleurs dans les collections françaises, est une grande peinture sur fond blanc, mais on va reparler de cette période qui est la période effectivement de son apogée en fait à Paris pendant les années folles. Mais pour arriver jusque-là, effectivement, c'était un long parcours que Fujita a souvent qualifié comme d'enfer parce que ça lui a demandé des énormes efforts. Il y a une chose peut-être qui frappe davantage dans certaines de vos toiles qui représentent des femmes, cette frange qui est tout à fait parisienne, parfois placée sur un minois qui lui a l'air japonais. C'est pas des japonais, c'est pas des français, c'est une création à moi, tout à fait imaginative. Vous vivez depuis 40 ans à Paris, oui. Vous vous êtes en quelque sorte laissé imprégner, ne serait-ce que de l'air de Paris. Que vous a-t-il apporté? Mes amis, pour le bon et pour le mauvais aussi. Quel le mauvais? Qu'est-ce que vous appelez le mauvais? Des sujets de bagarre, des choses, des disputes à Montparnasse, tout ça. Ces disputes qui étaient des disputes esthétiques, j'imagine. C'était pour la Modigliani, Kisling battait tout le temps. Alors c'est moi qui a séparé parce que je connais le jiu-jitsu, j'étais 12e degré de ceinture noire. Alors Modigliani, vraiment, c'est que maintenant je sais le jiu-jitsu, alors il m'a respecté. Comme lutteur, au moins autant que comme peintre. Oui, un jour il restait derrière moi pendant que je faisais des peintures, des paysages, pendant 12 heures. Sans un mot, sans un bruit, Modigliani regardait par derrière. Moi, je ne savais pas. Et puis, à la fin, il m'a dit, « Ah, maintenant, je sais tout ce que tu fais. Maintenant, j'ai compris. » Il m'a dit ça. Il est mauvais qu'une chose en devienne deux. On ne doit rien chercher d'autre dans la voie du samouraï. Mais il en va de même pour tout ce qu'on appelle une voie. Celui qui comprend les choses de cette façon doit pouvoir concevoir toutes les voies et sera de plus en plus en accord avec la sienne. Et oui, même les artistes de Montparnasse se disputaient comme des enfants, peut-être surtout d'ailleurs les artistes de Montparnasse. Il faut peut-être dire un mot maintenant de Kiki de Montparnasse, qui va aussi avoir une importance dans sa vie, Sylvie Buisson. À Kiki de Montparnasse, oui, Alice Prime qui arrive de Châtillon-sur-Seine quand elle a 13 ans à Paris, mais elle est très mature déjà. Et qui va bouleverser une partie du paysage de Montparnasse, et pas seulement le paysage. Je crois tous les artistes, parce qu'elle est extrêmement affriolante en fait. Elle est belle, elle a beaucoup d'assurance. Elle est même artiste puisqu'elle va exposer en 1929 une partie de son œuvre. C'est assez étonnant, très très naïve, mais très naturelle et très spontanée. Elle chante, elle danse, elle pose nue d'ailleurs chez Fujita pratiquement toutes les semaines. Alors voilà, parce que Kiki, c'est un personnage qu'on voit dans toutes nos émissions depuis le début de la semaine dernière, nos émissions sur les années 20. Alors en particulier, le lien avec Fujita, c'est un tableau nu couché à la toile de Jouy, réalisé en 1922. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous dire un petit peu son importance, Sylvie Buisson? Cette peinture est un des manifestes, on va dire, de la période blanche de Fujita, c'est-à-dire cette période où il va prendre le contre-pied, notamment de Vendongen, qui peint Fauve, de Noé de Segonza, qui a une énorme palette aussi colorée avec une matière très, très épaisse. Fujita va amincir sa peinture à pratiquement rien. Il va retrouver donc la couleur du papier, du washi, du papier japonais, à travers cette peinture blanche qu'il va de imaginer. De Kiki de Montparnasse. Hein. Et on est effectivement ébloui quand on voit cette peinture, parce que c'est un monochrome finalement, avec juste un peu de rose sur le bout des seins et un petit peu de rose sur les lèvres, mais elle est en noir et blanc. Et Fujita, en fait, l'installe sur un piédestal, comme une espèce de madone, on va dire, profane, entre la toile de Jouy, qui est un des joyaux, on va dire, de la création française. Jouy, jouir, on peut aussi faire un jeu de mots là-dessus, hein, tel que Gauguin, mais je pense qu'il la met dans un écrin, en fait, en évidence, frontalement devant nous, comme une espèce de madone, qui serait aussi un lien entre le noir et le blanc, c'est-à-dire le yin et le yang. Ce fameux signe du Tao qui entraîne en fait la création et qui est tellement respecté en Asie. La femme chez Fujita est au centre du monde. Et son sexe, en fait, ressemble bien à ce que Courbet a voulu énoncer dans sa peinture La naissance du monde, l'origine du monde. C'est-à-dire que la femme chez Fujita, c'est souvent Kiki. Avant même, d'ailleurs, de peindre Fernande. Il peindra jamais Fernande nue. Il va se la garder un peu comme ça, en retrait. Mais Kiki, par contre, il la met dans sa vitrine. Alors, quelles vont être les réactions à ce tableau, à cette nouvelle manière que Fujita expose aux Parisiens? Parce qu'on a l'impression que c'est là, précisément, que va advenir son apogée, en plein milieu des années 20. Oui, là on est encore qu'en 1921-22, c'est-à-dire que c'est le début de cette période de création. Sa première peinture blanche date de 1921. Ensuite, Fujita va multiplier ce genre de peinture. Et ce blanc, en réalité, dont vous parliez du mât tout à l'heure, en fait c'est là où s'exprime le mieux le mât. Il va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, parce que même ses petites filles dans les années 50-60 vont être posées sur des fonds relativement blanc, avec quelques accessoires tels que le chat aussi. Le chat qui va se glisser comme ça au pied des femmes ou au pied des enfants ou dans leurs bras au fur et à mesure. On va expliquer que le chat, c'est aussi Fujita. Il a d'abord été célèbre et ensuite il a été célèbre pour son art. Il était connu, reconnu à Montparnasse, parce que c'était un original, il avait une coupe de cheveux particulière, il faisait lui-même ses vêtements. Et puis surtout, il faut le savoir, à un moment donné, il a été à l'Académie Duncan, et il se promenait à Montparnasse en toge et en sandales. Donc on peut imaginer qu'un Japonais avec une coupe à la bol, en toge et en sandales, ça devait pas passer inaperçu. Et puis, c'était quelqu'un qui aimait les femmes. Alors c'est très amusant, parce que les petits écrivains de l'époque ont souvent pris le japonais, c'est Fujita, et donc on l'a utilisé dans les romans de gare où on le voit extrêmement couvert de femmes. Donc ça devait beaucoup lui plaire, et il y a quelques romans de ces années-là qui prennent Fujita comme personnage. Donc on l'appelait Foufou, on le retrouve dans Les Montparnasse ou dans Lina de Montparnasse, qui est l'histoire d'un modèle. Ce sont des tout petits romans, mais tout à fait savoureux, et vous voyez que déjà, il était déjà passé dans le personnage qu'il s'était lui-même forgé. Alors, Foufou, le surnom de Fujita. Ça lui va bien, ça colle bien aussi à l'époque. Oui, Foufou, il le devient très vite. Hein, dès qu'il arrive à Montparnasse, on dit qu'il a vu Picasso le lendemain de son arrivée, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que même si c'est 3 jours après, c'est-à-dire que très rapidement, il a été au centre de cette fête des années folles, immédiatement après la guerre. Ça s'est perpétué ensuite quand il est revenu même en France dans les années 50. C'est-à-dire qu'il y a une cote d'amour qui s'installe autour de Fujita qui est extraordinaire. Et qui ne se démentira jamais. Non, qui se démentira jamais. Et pendant les années 20, il y a eu même un modèle fait, un mannequin en fait, qui était dans une vitrine d'un tailleur à Montparnasse, qui représentait Fujita. Donc il était aussi... on va dire, comment dire, on l'a transformé en Don Juan, en fait. Hein. Dandy, Don Juan, on peut voilà, jouer là-dessus. Ce que disait un peu Sophie Kreff, ce qu'on entendait, oui. Qu'on entendait dans l'archive, qui oui. disait qu'il était devenu un modèle même pour la littérature. Oui, bien sûr, bien sûr. Que ce soit Michel-Georges Michel, Jean-Paul Crespel, ou tous ces chroniqueurs ensuite de cette on va dire, de cette faune de Montparnasse, se sont emparés de Fujita, parce qu'il était pratiquement caricatural. Ses boucles d'oreilles, sa frange, sa coiffure au bol, et puis ses vêtements. Les pull-overs de Fujita sont à mettre au musée. Enfin, c'est à poids, avec des losanges, des choses que personne n'avait à l'époque. Il adorait ça, il adorait choquer, en fait. Et puis donc, toutes ces femmes qui l'entourent, il faut parler un petit peu de Lucie, alias Yuki. Tiens, comme par hasard, Yuki, ça signifie blanc en japonais. Oui, Yuki, ça veut dire neige. Enfin, neige est blanche. Mon japonais n'est pas très, très au point. Lucie Badou, donc, est une jeune femme qui a pas 20 ans. Quand elle arrive à Paris, elle est orpheline. Elle perd son père et sa mère très rapidement, l'un derrière l'autre. Elle se retrouve très jeune avec un tuteur à Paris. Et un jour, elle tombe sur un livre d'Apollinaire. Qui décrit la femme assise et qui décrit l'endroit phare de Montparnasse, qui est la rotonde. Et elle a envie d'aller à la rotonde. Elle laisse tomber son livre, elle s'habille, elle va à la rotonde. Et là, elle se rend compte que c'est fabuleux. C'est mieux que la rue Cardinet où elle habite. Donc, elle va tomber amoureuse, elle, de Montparnasse avant Fujita, et elle va le rencontrer très rapidement. Très rapidement, c'est un coup de foudre, ils ont 17 ans d'écart, 17-18 ans d'écart. Et il a peur qu'elle soit russe, parce qu'il se méfie un peu des femmes russes, mais elle n'est pas russe. Cela dit, il a peut-être raison de se méfier, parce qu'elle va finir par tomber sous le charme de Desnos, et par partir avec lui. Les années folles se terminent, elles se terminent même sans que les acteurs de l'époque le sachent, au bal Ubu, qui a lieu en février 1929. C'est une très très grande fête dans laquelle Fujita est déguisée en fille publique, je crois. Et donc, oui. C'est avant la crise de 29. On s'amuse encore, on ne s'amusera plus beaucoup après. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Il va y avoir des allers-retours entre la France et le Japon, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, Sylvie Buisson, pour Fujita. Oui, Fujita, donc, malheureusement, va perdre Yuki au fur et à mesure de ses aventures avec les surréalistes, puisqu'elle rencontre Robert Desnos, elle est fascinée par le surréalisme. Fujita est intéressée aussi par le surréalisme, il va avoir une période surréaliste en 1930, où il va faire des grandes peintures surréalistes, cette vie à trois qu'elle va lui imposer, finalement, dans le style Jules et Jim, il va pas pouvoir la supporter très longtemps. Il va quand même la vivre pendant 3 ans, ce qui est énorme. Mmh. Et en 1931, il part. En décembre 31, il la quitte avec un modèle, Maddie Dormans, qui est une femme qu'il connaît déjà depuis longtemps, qu'il a déjà peinte, qui est un modèle que lui a présenté Dorin. Et avec elle, il va passer 2 ans en Amérique latine. Donc, c'est une errance, c'est une vie un peu erratique qu'il va vivre. C'est une volonté de quitter aussi ce Paris qui peut-être est trop au centre de tout et qui, par là même, devient un peu étouffant. On peut se poser la question, il ne l'a jamais vraiment expliqué comme ça, puisque je crois que la situation était devenue tellement insupportable à Paris pour lui. Il ne pouvait plus peindre. Il ne pouvait plus peindre son Yuki l'a détruit sur le plan de sa peinture. Il fallait qu'il se reconstruise. Donc je pense que c'est plus une situation, en fait, une coïncidence de la vie qui a fait que il a quitté Paris à ce moment-là. Mais c'était pas le mauvais moment, puisqu'on rentrait donc dans une période de récession terrible pour les artistes. 1929 à Wall Street et ensuite 1930 à Paris, c'était la grande crise économique. Donc il va partir en Amérique latine et ensuite arriver au Japon en 1934. Où le Japon, finalement, Tokyo est en pleine embellie. Le Japon, en fait, est en plein effort de guerre. On ne sait pas encore vraiment, mais il a qu'une envie, c'est de réunir sous son toit, si on peut dire, les 8 grandes puissances de l'Asie, c'est-à-dire, en fait, réaliser une grande Asie dont il serait le maître. Hein, mm-hmm. C'est ça, en gros. Donc, il envahit la Chine, etc. Et Fujita arrive comme artiste à ce moment-là. Et finalement, Paris, le Paris de Tokyo, en fait, ça va être le Paris de Tokyo, Fujita. Il va finalement imposer sa vision parisienne à Tokyo. Ça va avoir énormément de succès. Il va avoir énormément de succès entre 1934 et 1938. Là, en 1938, on l'envoie sur le front. Comme peintre, oui, en observateur déjà en Indonésie, etc. Bon, c'est pas très agréable pour lui. On lui demande de peindre quelques batailles réussies, gagnées en Chine méridionale. Il a peur d'être embrigadé, justement. Il quitte le Japon avec sa nouvelle femme, Kimio, puisqu'entre-temps, il a perdu Madeleine, qui est morte d'une overdose à Tokyo en 1936. Et il arrive avec Kimio à Paris en 1939. Mais sur la période de la guerre, justement, on va reprocher plus tard à Fujita un peu de naïveté dans son engagement pour son gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est selon vous ? C'est difficile de résumer la position de Fujita comme ça en quelques mots. Je ne sais pas combien de temps nous avons devant nous. Pas tant que ça. Parce qu'on pourrait écrire évidemment plusieurs centaines de pages là-dessus. C'est Fujita donc est le fils du général Fujita, qui meurt en 1941. Quand il arrive en 1940 à Paris, puisqu'il retourne à Tokyo en 1940, son père est encore vivant. Comment imaginer trahir le code de l'honneur, le code du samouraï, du bushido, c'est-à-dire trahir son pays, c'est pas possible, même si dans son fond, il est contre toutes les guerres, comme tous les artistes, et notamment celles qui opposeraient le Japon, qui se rallie donc à l'axe Berlin-Tokyo-Rome, contre la France. Mm-hmm. C'est pour lui un déchirement majeur. Donc ça va être épouvantable cette période pour Fujita. Elle va être très longue, il va devoir se plier malgré tout au grade qu'on va lui donner, c'est-à-dire de premier peintre, officiel de la Grande Guerre, de coprospérité en Asie, ce qui est épouvantable. Et il va devoir peindre finalement contre son gré d'énormes fresques à la gloire, on va dire, des batailles japonaises. Mais alors quand les Américains arrivent, c'est un petit peu quand même l'impression qu'on en a de l'extérieur, comme s'ils suivaient toujours le pouvoir, puisque les Américains vont lui demander de travailler pour eux et de récolter un certain nombre de peintures de guerre, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Fujita aux États-Unis. Non, parce que ce ne sont pas ces peintures-là, hein. Ces peintures dont on parle... Mais il va en profiter pour faire connaître sa peinture à lui. Oui, enfin, il était déjà connu puisqu'il a vécu à New York en 1930. Il a beaucoup travaillé là-bas. Non, mais je crois que, en fait, si vous voulez, les peintures de Fujita l'ont de toute façon mis au premier rang. Il n'était pas le seul. Hein. Il y avait toute une équipe de peintres officiels, hein, au premier rang des peintres officiels. Donc, quand les Américains arrivent à Tokyo, le général MacArthur et toute son armée va devoir se renseigner. Et vers qui on se tourne? Vers Fujita, c'est normal, c'est le plus connu. Il parle français. On l'a connu dans les années 30 à Montparnasse. Les Américains étaient à Montparnasse, il est connu. Ouais. Et donc il va devoir collaborer, si on peut dire, avec l'armée américaine en situant les différentes peintures. Où sont les peintures? Ben, Fujita, elle savait où elles étaient. Alors, on va devoir aller très vite pour terminer la vie qui est encore longue. Hein, de oui, c'est compliqué Fujita. Pour moi de résumer tout ça. Pour, c'est vrai, c'est compliqué. Il retourne à Paris dans les années 50. En deux mots, pourquoi ? Alors, il revient à Paris dans les années 50. En fait, il passe par New York avant 1949. Il s'échappe, en fait. On l'exfiltre du Japon. Mmh. Puisque, comme vous l'avez très bien expliqué, il va collaborer avec les Américains. Les Japonais vont pas aimer ça du tout. Il va y avoir des rancœurs aussi de ses anciens amis qui sont jaloux de Fujita parce que malgré tout, il va être mis un peu sous protection américaine. Donc, il va être exfiltré du Japon et finalement, il arrive à Paris en 1950, le 14 février 1950. Et là, c'est la grande liberté. Là, il reprend une vie. Il va reprendre une vie d'artiste à Montparnasse, au Dôme, à la Rotonde, etc. Beaucoup de ses amis sont plus là, malheureusement. Mais il va recréer une stature, un Fujita. Il va retrouver son ancien marchand, Pétridès. Paul Pétridès, qui va beaucoup l'aider, qui va multiplier les expositions tous les deux ans. Ça va être un grand succès jusqu'à la conversion. Voilà. Donc quelques années avant sa mort en 1968. En 1959, il se convertit, il va mourir en 1968 effectivement, mais il a renoué avec ses amours parce qu'on n'a pas suffisamment parlé de ses tendances au sacré, oui, qui font que dès 1918, il expose des madones et des maternités et des crucifixions à Paris. Il y a encore beaucoup de choses dont on aurait pu parler et dont heureusement nous parlerons demain. Merci beaucoup Sylvie Buisson pour nous avoir permis de mieux comprendre le peintre Fujita. Je vous rappelle qu'on peut aller plus loin évidemment en consultant par exemple le beau catalogue Fujita, peindre dans les années folles, disponible aux éditions Culture Espace et auquel vous avez collaboré. Tout de suite la chronique. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui nous est proposée en ce lundi par Guillaume Ledouarin du magazine Page des Libraires. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Alors vous consacrez les quelques minutes de cette chronique à un livre qui vous a particulièrement intéressé ces derniers temps. Il s'agit du témoignage d'Ahmet Altan, « Je ne reverrai plus le monde », prix Malraux 2019, et publié chez Actes Sud. Alors effectivement, c'est un livre qui m'a particulièrement marqué, je dirais même qui m'a bouleversé, parce que je l'ai relu pour ma chronique d'aujourd'hui, et en le lisant, j'ai vraiment eu des frissons à certains moments en lisant ces textes. C'est un texte très fort, très puissant. Pour en parler aux auditeurs, Ahmet Altan, c'est un écrivain turc qui est journaliste, écrivain. Il a écrit deux livres chez Actes Sud et on l'accuse d'avoir fait passer des messages subliminaux à la télévision la veille du coup d'État. Et évidemment, il a été le lendemain arrêté, on l'a jugé, condamné et jeté en prison. Effectivement, là j'ai en main devant moi des écrits de prison. Alors si je vous dis que ce sont des écrits de prison, on peut dire que je vous ai tout dit et en même temps je ne vous ai rien dit, parce qu'effectivement ce sont des écrits de prison, hein. On le cueille, si je puis dire, au début du récit avec une arrestation tout à fait rocambolesque. On le retrouve à la fin du récit une fois qu'on le referme dans sa prison et il a accumulé tellement de force que finalement il se transforme presque en passe-muraille. Il traverse les murs de sa cellule et puis part errer à la quête de sa liberté chérie. Mais moi, surtout, ce qui m'a, je dirais, le plus impressionné, c'est la richesse de son éventail, de sa palette d'écrivains, parce que effectivement il manie aussi bien l'humour que l'ironie, que des traits d'esprit. Effectivement, il y a la petite anecdote de son costume qu'il met avant d'être arrêté. Il continue à consigner en prison malgré des conditions épouvantables les belles choses de la vie, de la poésie. Il y a une lumière qui se reflète sur le mur de sa prison, les saisons passent au-dessus de sa tête, un ami en prison, un codétenu comme lui parle de choses, il les emmagasine. Ça va lui servir après pour finalement, dans les temps mauvais, pour résister. Et puis il nous parle aussi de l'écriture, du courage de l'écrivain. Il y a des pages tout à fait différentes là-dessus. Il nous parle aussi de l'imaginaire, du rêve. À un moment, il ne peut plus rêver en prison, mais heureusement pour nous, il va pouvoir rêver de nouveau et pouvoir écrire. Et voilà, c'est un texte tout à fait magnifique et bouleversant. Alors, est-ce que vous diriez que c'est d'abord un texte littéraire ou est-ce que c'est le texte d'un auteur engagé, d'un journaliste qui témoigne ? Eh ben, j'ai réfléchi à cette question et je dirais que c'est les deux, parce que c'est effectivement, par rapport à ce que je vous disais précédemment, c'est un texte tout à fait littéraire. C'est un texte aussi complètement engagé. Il le dit lui-même, il est accroché à une branche au-dessus du précipice et il ne veut pas renoncer. Il entre dans une forme de combat. Et je dirais que ce livre, c'est presque même une troisième voie. Pour moi, c'est un ouvrage qui est presque proche des grands classiques, puisqu'il touche à de l'universel. C'est le grand roman de la liberté, c'est le grand roman de la dignité humaine, et c'est une réflexion tout à fait magistrale sur l'écriture, puisqu'il est en connexion avec les grands écrivains. Il est avec Flaubert, avec Tolstoï, et c'est un livre magistral. Je ne reverrai plus le monde d'Ahmet Altan est publié aux éditions Actes Sud. C'était La Compagnie des Heures, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jacques Hubert. Demain, deuxième épisode de notre série consacrée à Fujita. On s'intéressera encore davantage à son œuvre. Ce sera avec Anne Le Diberder.